fermeture des portes. Huitième étage. Ouverture des portes. Sens monté. Fermeture des portes. Fermeture des portes. Ah bah oui. Allez jusqu'au bout. On ne va pas y arriver. Ah. Dixième étage. Ouverture des portes. Sens monté. Fermeture des portes. Oh, il y a qui t'a jamais.